une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Chronique du Wati Boss volume 2. Et c'est parti pour les Chroniques du Wati Boss qui sort dans 6 jours. Bienvenue à pratiquement toute l'équipe du Wati Boss. Black M est là déjà. On avance. On avance et à l'heure. Ben voilà où tu es. Docteur Berriz est là aussi avec nous. Avec Insolent. L'insolent qui est là aussi. Non, maintenant je m'appelle Inso. Je suis inscrit à la SACEM. Insolent, c'est déjà pris. Mon place, c'est Inso, le véritable. Donc Inso, le véritable avec voilà. nous. Voilà. À tous mes followers, big up à vous. On est ensemble. Tout ça, franchement. Fred porte une casquette Watibé, j'ai envie de dire. Je suis refait. Ah, ça te va trop bien, gros. J'ai la collection été 2015. Au roi revient la couronne. T'aimes bien cette phrase? Oui, c'est bien. C'est poétique. Bon, comment ça va, messieurs? Franchement, cool. Ça va, ça bosse dur? Ça bosse très très dur. Ouais. Franchement, ça bosse dur. Le frère, il prépare sa réédition. Et puis, attention, il y a la tournée de Black M. Moi, j'ai la liste. Oh, il y a une grosse tournée. J'ai la liste de la tournée de Black M qui est. Tu peux même citer les dates. Hein. Bon, on peut y aller. Ça débutera le 11 octobre en Suisse, à Lausanne. Hein. Saint-Julien en Alban, le 12 octobre. Yeah. À Pessac, le 17 octobre. Le Zénith de Dijon, le 23. 24 octobre à Lyon. Le 25 à Montbéliard. Le 29 à Nantes. Le 30 octobre à Rennes. Le 31 octobre à Caen. Ensuite, c'est au mois de novembre. À Rouen, le 7, le 8 novembre à Lille, le 14 à Clermont-Ferrand, le 20 à Montpellier, le 21 à Marseille, le 22 à Toulouse, le 23 en Suisse à Tonnex, le 30 novembre à Brive, décembre, Zénith de Paris. Cette date-là, 4 décembre. Toute l'équipe est invitée, Skyrock, tout le monde est invité. Et bon, on ira avec grand plaisir. 5 décembre à Amiens, le 19 à Pau, le 20 décembre au Mans, 21 décembre à Mnéville, et certainement d'autres dates aussi, étant 2015, un peu partout. Sûrement. Pour Black Oh là, le drapeau. L'étendard Watibé est sorti dans le studio. Ça, c'est pas celui qu'on avait sorti à Bercy, c'est celui-là? Ah, c'est un collector celui-ci en plus. Je crois. Je rappelle que les images sont dispo. Hein, si vous voulez voir l'étendard Watibé, c'est sur le Skyrock. Étendard Wa. Allez-y, allez cliquer. Allez mater. L'Empire même. Momo, fais ça bien là. Voilà, hop. Capture d'écran pour ceux qui ont les images. Et avant de débuter ce Planète Rap avec HQ qui est au platine et qu'on salue également. Yeah. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, si vous voulez bien, messieurs. Yes. Bah, franchement, je pense que nos frères nous manquent. Je lance un appel pour Shinsekai, tous les autres qui étaient là. Ils sont portés disparus pour l'instant. Franchement, vous nous manquez les mecs. Ils arrivent au calme. Ça fait une journée, on vous a pas vu, là, on est là opposé. Faut-il déclencher l'alerte enlèvement? Faut le faire. Peut-être. Pour le reste de l'équipe de Watibé. Allez, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'était chaud. C'est parti. Le replay. Les chroniques du Watibos. Volume 2. Skyrock. Watibos. Passez une bonne soirée et bienvenue. C'est reparti pour une nouvelle semaine de Planète Rap avec les chroniques du Watibos, volume 2 qui sort dans une semaine. Dawala, et là, comment ça va? Les chroniques du Watibos, c'est toi. Volume 2, voilà, c'est famille nombreuse. Voilà. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur ces chroniques du Watibos? Franchement, les chroniques du Watibos, voilà, ça représente tout le travail qu'on fait, tous les jeunes qui sont signés chez nous, les anciens qui travaillent. C'est ça qui fait pour moi le dur, c'est ça qui va faire voilà, que le Watibé va réussir à passer un autre cap. Le billet est facile. Ce soir j'ai le billet facile, hein. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile, hein. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile, hein. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile, hein. What you boss? Quand on tape Watibéo, quand on tape tous les membres du Watibos sur le net, on voit plein de choses. Il y a des choses vraies, des choses fausses. Aujourd'hui, quand on cliquait Black M, dis-moi, on pouvait tomber sur une info en disant que tu étais le cousin de Stromae. Est-ce que tu as vu cette histoire? Ouais, j'ai vu. C'est Perez Hilton, il a dit ça apparemment. Alors, tiens, une autre info qui est tombée sur toi aujourd'hui, qui disait Dawala sera jury dans The Voice. Ça, c'est qui a mis ces rumeurs-là? C'est Black M, ça. Ça, c'est Black M, c'est toi? Alors, rumeur, vrai, faux? Ah, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Mais tu le ferais ou pas? Moi? T'as vu ma tête? Est-ce que je le fais? Regarde ma tête. Je te verrais bien te retourner d'un seul coup sur le fauteuil. Hop. Oh là là, un gâteau arrive. Waouh, il pèse le gâteau. Ah, il pèse, attends. Ah, franchement, il est beau, c'est un beau gâteau. Avec en plus les initiales, les chroniques du Watibos. Satiné, tout ça. Mais pourquoi il y a 15 ans? 15 ans, en fait, ça fait depuis 90. Ah oui, je pensais que c'était ton âge, je me disais merde. Là, depuis Pur Son Ghetto, en fait, voilà. jusqu'à 2014. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça fait 15 ans qu'on est dans la musique. Le chronique, tu vois, tu passes. Les kickers, ramenez-vous, les kickers. On sait tout faire. On sait tout faire. Tu veux un hit, on le fait. Tu veux un son gang, voilà qu'on le fait. Abonne le bébé. Maintenant, tu vas assumer. Abonne ton équipe. On passe ce Y, après ça, on équipe. Vote ton titre, on va aller pour critique. C'est quand t'es un as, on compte des pics. On va aller pour gimmick. Arrêtez les mimiques. Quand ça kick, allez-vous sur le beat. Les vérités, c'est profond. Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge de tout le suicide. 3 heures du mat, poto, je suis dans le club. Entends rien, trop de chefs. Ramène-moi de ma gomme, maman, tu champes et deux paquets de gomme. Ça fait 2 heures qu'on a quitté le bloc. Pas de buzz pour dans le coffre. Les robiens Star Wars, c'est je leur montre. Vas-y, là. Faire de la vie, c'est éclaté, fonce car. Pour des stations, t'es qu'au niveau d'un siège car. Quand tu fais big, black, rouge, sur trop de toi. J.R. au chrome. Gauche, Bigali sur notre droite. T'es le bonsoir, se déroule l'auto qui se tape. La mirale à notre gauche. Bigali sur notre droite. Coupé des galets, mais faut régler ses droite. En ce moment j'ai le billet facile. Gros mon cœur est qu'un fric. Ils n'arracheront pas mes racines. Mes flots, mes faces, les faciles. Dans l'oie tu perds rien que sa vie. Dans l'oie tu perds rien que sa vie. Elle guette la taille des gens, je guette sa taille, son tarma, j'hésite à baisser la vite. Faire le groupie, je les renfale comme dans Hitch. J'éteins tous tes potos puis je rallume mon spliff. Genre du ghetto putain, arrête ton speech. La rue c'est chaud dans ma caisse, y'a la clim. La rue c'est chaud dans ma caisse, y'a la clim. Je suis du côté sombre, la force comme Anakin. Billet jaune, vert, violet. Quand les voix s'enlèchent les babines. Je suis pas diplômé, mais pour faire du bif, je suis dans les premiers. Et voilà, et encore c'est un concentré hein, parce que. La vendetta parmi nous ce soir. Vendetta. Vendetta parmi nous ce soir. C'était chaud hier soir et ce soir j'ai l'impression que c'est un peu le même principe. Avec en effet l'arrivée de la vendetta Girochrome Doumams qui est là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va messieurs? Ça va très très bien. Impeccable. L'amiral est là aussi. Quelle équipe. Ah, il y a du monde, hein, ah, y a du on monde va venir ce soir. Quelle grosse équipe ce c'est soir. C'est l'Oitibé en fait, on est nombreux. Et ben voilà, l'Oitibé toute la semaine entre 20 et 21. Allez-y, balancez le hashtag Oitiboss sur Skyrock. Pourquoi pas en TT? Hier, allez-y, c'est un carton. Pour l'instant, il y a jeune homme Black M en TT. Ouais, j'étais en TT pour. Tu es encore, Ah, j'y suis encore. Tu es encore. Merci les Oiti soldats, c'est grâce à vous tout ça. C'est quoi le jeune homme Black M? C'est pour la nomination au MTV, Awards. Awards, ouais. Très bien, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Donc on espère y aller, continuer. Peut-être continuer. Un trophée qui va arriver là prochainement. Merci. Pour Black M, c'est ce qu'on peut te souhaiter. On espère. Rapidement. Merci. Drake, ça va? Ouais, ça va. Ça va en pleine forme? Calme. Ouais. Au calme, enfin ici, je sais pas si c'est au calme. Non, c'est calme. Ça a l'air tranquille. Ouais, pour l'instant. Ça va. Bon, 20h02, je crois qu'il est grand temps de balancer un petit billet facile pour débuter. Ah, grave. Pour ambiancer ça. Là, franchement, on peut applaudir Fred. Depuis tous les planètes rap, je suis venu. C'est la première fois que je vois avec une casquette 3. Il attendait qu'on applaudisse. On va à l'Instagram. On va Instagrammer. Avec Momo sur le tech. Aïe. Ah, mais là, on est repeint là. On est équipe Oitibé. On a mis les casquettes. On a tout sorti là. Ça fait plaisir. Allez, on balance le morceau. C'est parti. Bien facile, c'est parti. Réel le 15 septembre dans les bacos. Chronique du Oitiboss, volume 2. Ça kick sur le barbago. DJ Lil Kid. Si je me trouve ici, tu n'es forcément nulle part. Certains pourraient se crever les yeux pour qu'on les regarde. Les michetons, c'est des sapins, faut que tu les ressapes. Dans un sharing, depuis que t'as eu son WhatsApp. Petit canard, maman t'a appris à dire stop. Pour te voler le billet violet, bien sûr qu'elle frotte. Sexy lady, ton homme, on va taser. Rancher ce cul, mes négros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, franque B. Faut que ça se finisse en soirée, Mayabé. Quoi que dis. Les 15 septembre, dans les bacs, les chroniques du Oitiboss. Le Oitibé, on est là ensemble en famille. On va toujours wake. Demain, tu reprendras. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Vendetta. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile. Le billet facile, ma chérie, la chanson facile. Mon gars, vous devez. D'où viennent tes racines? Ton choix de vêtements m'assassine. Les passants sac à dos. On rentre dans la ronde, c'est un malin. On a déjà un toit là. Tous mes gars, je t'arrondis ensemble, vas-y bouge. Congolais, expérience apologie. Quand je me sape, vois comment la foule réagit. Avec le sexe opposé, on interagit. Agile, sont les miens, si agadi. Docile, ça jamais demande un bad night. Si je rince, c'est que je peux passer une bad night. Comme Michael, touche le ciel sans mes airplay. Quand je vois Spike, tous mes amoureux de l'asphalte. Quoi que disent les gens sur toi, plus rien à foutre, laissons les juger. Demain tu reprendras. Yeah, chronique du Wati Boss, allez. Et tout le monde fait, tout le monde fait. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, l'argent façon façon facile. Ça c'est Docteur Belize Main. Écoute le bien. On est loin des foutes. Nyama nyama. Oh nyama nyama. Tu veux goûter le succès. Manadawa. Je suis sénégalais pur souche, pas une petite phrase. La légende gagne. Je suis gauche, ma résistra. Je sais très bien que tu es pour la je pourrais poser des questions. Mais t'as arrêté la face. Bien sûr. Très les petites sables. Dommage que la fin du mois soit écrac. Je ne sais guère ce que veulent ces petites tasses. Quitte là pour les schnexers. J'ai du whiskas. Mon gava, y'a pas si longtemps que ça. Tu ne regardais pas. Mais ton me c'est dans le chine. C'est Kayel. Ma dégaine, le gars. Mais le style ce soir, je compte bien faire du bouquin. Surtout pas nard. Le 15 septembre dans les bars. Rendez-vous à la Wati Boutique. Venez avec le CD. Un t-shirt donné gratuit. Gratuit. Demain tu reprends. 15 ans Wati B. 15 ans. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir est le billet facile. Le billet facile. Ce soir est le billet facile. Le billet facile. Ce soir est le billet facile. Le billet facile. Le bengal le billet facile. Le billet facile. Pétrodollar. Le billet facile. Le billet facile. DR le billet facile. Le billet facile. DR le billet facile. Kinshasa, Brazzaville. C'est le Planète Rap spécial Wati Boss, les chroniques du Wati Boss où vous retrouverez ce morceau, le billet facile à l'instant. Allez, vous. Il y a le clip qui tourne déjà. Il y a le clip qui tourne déjà. Très bien. Le clip qui est arrivé hier, évidemment. L'album sort dans une semaine. Alors, vous remettez ça avec la réalité augmentée, on m'a dit sur l'album. Exactement. C'est vous qui aviez lancé ça avec la section d'assaut, fameuse réalité augmentée. Ouais, ouais, on avait lancé la réalité augmentée. Je veux pas dire de bêtises, là, c'est quel clip qui est en réalité augmentée dans. I don't know. Non, c'est pas en mettant plutôt la pochette. Madame Lachance, Madame Lachance est sur YouTube aussi, j'avais carrément oublié. Madame Lachance est sur YouTube aussi. D'accord. Mais Madame Lachance aussi. Mais j'ai été sur la réalité augmentée. Tout le monde s'en fout. Bon, en tout cas, la réalité augmentée, c'est quelque chose. Je posais la question, mais quand t'as regardé en mode. Je sais pas. En tout cas, la réalité augmentée, c'est quelque chose de très bien. C'est-à-dire que vous avez en plus des bonus. Quand vous pointez votre téléphone, généralement, sur la pochette. C'est bien ça, Axel, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Axel. Ça. Voilà. C'est Axel, lui, c'est tout. Donc, toi, tu parles maintenant. En réalité augmentée. C'est les mecs qui contrôlent les trucs un peu techniques. Nous, on va saluer aussi l'arrivée de Elio Petrodollar et sa Petronation. La Petronation. Salut, comment ça va, Fred? Comment ça va, Skyrock? En pleine forme, et toi? On est là, toujours la comme la Petronation, toujours. Ouais, elle est là, elle est là. De plus en plus nombreuses, tu acceptes tout le monde ou pas? Tout le monde, tant qu'il paye les impôts, tu connais. Je peux rentrer dedans, moi. Fred. Oui. Il paraît qu'on est en top 8. Déjà direct ça. Déjà dans les oreilles. Au calme. Incroyable. Direct d'entrée de jeu, le Wati Boss sur Skyrock est déjà entêté. Bravo à tous les Wati soldats qui suivent et qui n'hésitent pas. Merci à tous. À envoyer plein de messages. Dans un instant, on va faire un petit jeu avec vous. Tiens, on va revenir sur le parcours du label Wati B dans quelques minutes. Ça va être un espèce de quiz. Ce sera à vous de reconnaître les morceaux. Ils sont tous issus de vos carrières. De reconnaître nos propres morceaux à nous. Ouais, bah ouais, mais c'est peut-être un peu trop facile, non? C'est pas si simple, c'est pas si simple. Il y a quelques pièges. Ok. Ne bougez pas, c'est dans un instant, mais juste avant, moi je remettrais bien un morceau d'entrée de jeu. Peut-être Madame Lachance, on en parlait. On veut Madame Lachance. Pourquoi pas, le clip est disponible depuis hier. Beaucoup de bons retours. Je m'appuie un peu, je suis un peu fatigué. Attends, on t'entend pas surtout. Bérise, on t'entend pas. Prends bien. On t'entend pas, Bérise. Tu étais à côté. Le docteur, on t'entend pas. Le docteur. Franchement, c'est un message très important que j'ai envie de passer. C'est un très gros clip. On était sur place. Franchement, on fait des choses vraies pour les gens qui écoutent, qui aiment les vrais sons. Madame Lachance, c'est une vraie patate. Je suis avec mes associés DRY, JR au Chrome, Petrodollar. C'est un vrai message, prenez de la sophore. Très très gros. Pour ceux qui sont dans la réalité, en tout cas. En tout cas, on est là, on fait des vrais trucs, on frappe. Négligez pas ce son, franchement c'est un vrai son. Ça vient du cœur en tout cas. Le docteur a parlé. Le docteur a parlé. De toute façon, les chroniques, c'est pas à négliger. Sérieusement, c'est un vrai CD et patate dans les dents. Vous serez pas déçu. Ah, on voit qu'il parle avec le cœur. Hein. Ouais, il parlait. Alors là, le docteur parle avec le cœur. Toujours le docteur. Allez, on balance le morceau, Madame Lachance, c'est parti. Yeah.

Tu veux pas enregistrer ou quoi? C'est bon, ça enregistre. Toujours les mater les minutes black. Ça n'a pas encore repris, ça va reprendre là. Ça prend bientôt. Alors attention, premier extrait musical, qui va retrouver l'artiste, j'ai envie de dire, du label Watibé. On dit l'artiste ou le titre du morceau? Ah là, il faut trouver l'artiste. Hein. Ok. Attention, simple, si vous avez en plus le titre, alors là, c'est super jackpot. On y va. Calme. Dawala. Dawala, gros. C'est Dry. DRY. Un peu plus fort. T'es bête ou quoi? Et mets du son. Avec Barnes, c'est ça. C'est sur Pur son ghetto. Pur son ghetto 1. J'ai envie de donner le point à Black M et à Dry. Un point chacun. J'ai envie que tu me le donnes qu'à moi, mais bon, je peux le donner à tout le monde. Mais moi, j'ai envie que tu me le donnes qu'à moi. Bah, bon, pour l'instant, un entre Black M et les autres, ça va. Alors, Gire. Ah, on entend. Alors, la mémoire. Alors, la mémoire. Éléphant, pas éléphant. Et les fantômes. Alors attention, là ça va être sur la rapidité celui-ci. Deuxième extrait. Intouchable. Les points sur les i, ma gueule. En premier, j'ai dit DR. Les points sur les i, gros. Arrêtez les mains. C'est trop facile. J'ai failli dire démon. Facile, c'est son son. C'est trop facile. Ah, c'est bon. On va mettre. Un point à la Vendetta. J'ai envie de dire un point pour la Vendetta. On est bon. Ah, vous êtes en binôme. Allez, ouais, ils sont en binôme. Genre, partage le bail. Binôme. Allez, qu'un saut, moi, chacun. Un demi-point chacun. J'entends pas. Troisième extrait. Yeah. Black M! Chronique du mystère, non? Déjà, c'est pas les chroniques du mystère. Écoute! C'est un point pour l'insaut. C'était dans l'inter du milieu. Attends, je l'ai dit avant. Écoutons un peu. Écoute! Mon gars, le fa, gros. Aïe! Balou. Ça était pas que je chiffre le public pour qu'il distribue ses dés. L'éléphant. J'ai du pic. Troisième pro, le renouveau sur ta compile. On ne vendra pas si t'as le compile. Ah, la mémoire de l'éléphant, ça mériterait un demi-point aussi. Mais bon, on va le donner à l'insaut. Ah, c'est à moi. Ça. Allez, l'insaut. Un point pratiquement pour chaque membre. Aïe. On y va. Quatrième extrait. C'est parti. Le Black M Bakri. Donnez-moi mon point. Là c'est trop facile. Arrêtez les gars. Donnez-moi mon point. Donne-moi mon point. Bon allez, le point pour Black M, ça y est, c'est fait. Mais attention, tout va jouer maintenant sur ce dernier extrait. Ça c'est le super jackpot. C'est-à-dire que si vous avez cet extrait, c'est vous qui remportez le quiz, le blind test. Attention piège, on écoute. C'est quoi ça? Avant qu'elle parte, gros. Avant qu'elle parte. Avant qu'elle parte. Oui, mais qui? Mais qui a transformé la section d'Asso? Non, c'est une chorale, mais je ne pourrais pas te dire le nom. Ah, là, je me suis fait piéger. J'ai jamais entendu. Pas Sanko Fajimi, un truc comme ça. J'ai jamais entendu. Mais c'est qui ça? Ça fait pas partie de Watibé, ça. Normalement, Fred, c'est pas du jeu, ça. Le point, il est passé sous le nez, gros. Normalement, c'est entre nous, on connaît pas. Il fallait trouver le collège Romain Rolland à Erstein, dans le Bas-Rhin, en Alsace, qui avait repris. repris. Bon, on peut les applaudir quand même. Un peu les bravo pour cette magnifique chorale. On peut les applaudir. Bravo. Allez, égalité tout le monde, bravo une fois de plus. Vous connaissez bien vos classiques, bravo à vous tous. Bravo à l'équipe du Watiboss qui est la haute classique. Peut-être un futur classique dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va passer dans un instant, je crois qu'il y a le DJ, le meilleur DJ du monde, il veut dire un truc. Ouais Fred. Allez, je viens d'avoir Dawala. Il a dealé sur chemin avec une grosse surprise pour mettre une grosse ambiance. Aïe. Donc voilà. Et il sera là à l'heure? À l'heure, ben non. Au lieu de lancer des surprises, arrive à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais on t'attend quand même avec la surprise, Dawala, d'une minute à l'autre. Dans un instant, on passera donc peut-être, je le disais, un futur son classique. C'est un morceau qui s'appelle Cool. Ouais. Cool. Ouais, cool, un morceau. Cool. Un morceau cool. Drague. Parlez de votre morceau. Avec JR au non, coup, ouais. Âme, c'est bien sûr BD au refrain. Mais vas-y, tu t'en parleras mieux que moi. Ouais, en fait, c'est un morceau qui date de il y a deux ans qu'on avait fait avec Belize. On était ensemble et voilà, on l'a coffré et on s'est dit que c'était la bonne occasion pour sortir avec les chroniques du Watibé. Franchement, Vendetta, ils sont super humbles parce que je veux dire un vrai truc. Ce refrain n'est pas de moi. C'est de JR Popo. Mm-hmm. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit j'ai un truc à te proposer. J'ai écouté le refrain, franchement. Et t'as dit sale. On y va. Franchement, on fonce. C'est des vrais génies. Et bon, on le balancera dans un instant ce morceau qu'on retrouve sur les chroniques du Watibé Volume 2. Ça sort lundi prochain. Bougez pas, on est de retour juste après ça. Comme toi, la section d'assaut a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec les chroniques du Whaty Boss. Le Whaty Boss qui vient de faire son entrée dans le studio pendant la pub, qui est arrivé un peu en retard, qui a loupé son morceau qu'on a diffusé dans le blind test il y a quelques minutes. Là voilà. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah 15 ans ça se fête hein. Ouais oui exact. Merde c'est con ans, c'est la question que je devais poser dans un instant pour repartir avec les chroniques du Whaty Boss. Ah ouais? Mais c'est pas grave, je vais attendre un peu pour la poser. Dawala, tu nous as dit, enfin par la voix de HQ, que tu arrivais avec une surprise. Bah la surprise on. T'as l'heure. Pas encore, c'est pas encore l'heure, on va souffler après. L'heure du freestyle à la fin. Voilà, à la fin. Ah tu vas te relancer dans le rap. Voilà, je vais me relancer, c'est une surprise. Très bien. Vous allez voir. Non, je tenais, voilà, ça fait 15 ans qu'on est là. Je tenais à saluer tous les gens qui sont passés dans le label et qui sont plus là, et tous les gens qui sont dans le label encore et qui font que le label il résiste. Je tenais à remercier aussi la maison de disques avec qui on travaille depuis le début, Sony. Je tenais à remercier Demon One. T'as vu, dès le début, début qu'on a commencé la vie de rêve avec Dry et Demon One. C'est vrai que Demon One maintenant, et il était parti c'est chez Hostile. Mais je tenais à le remercier, voilà, parce que ça fait partie de l'histoire du Whaty B. Et tous les morceaux que t'as passés, voilà, ils font partie du morceau, ils font partie de la vie du Whaty B. Ouais. Depuis Pur Son Ghetto 99, on est encore là, voilà. Et que c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, et grâce à tous les gens qui nous supportent, tous les gars de la rue, voilà, c'est grâce à eux. Derrière mon gars, il est là depuis le début aussi. Voilà. Au calme. Bon, bah, bienvenue. Boss qui existe, bienvenue, le Whaty Boss, les chroniques du Whaty Boss. Peut-être que tu peux nous dire un mot, parce que personne nous a dit un mot tout à l'heure sur la réalité augmentée. Ah, d'accord, ça, toi aussi. Non. C'est de la science physique, ça, là. Là, tu lui poses une colle. Ah ouais. C'est trop technique. C'est une application. En fait, va... écoute, c'est une application. Alors, sur le téléphone. Voilà. Tu pointes ton téléphone sur le livret et tu vas voir le clip qui va sortir. Voilà. Super chérie, il y a quel Whaty B qui est là. Aïe aïe aïe. Il a vu le boss. Aïe aïe aïe. Le boss a réponse à tout. Bravo. Bravo une fois de plus. On va balancer un des premiers morceaux qui s'appelle Cool, juste avant la pub. Cool, un gros morceau. On met mon gars Gyrochrome dedans, il met des claques dedans. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Extrait des chroniques du Whaty Boss, volume 2. Je sois docile tout en restant dans la hesse. 9-4, Demon One. Toutes les femmes colorées, je t'ai vu partir en cause, va investir comme Bolloré. Une belle femme, je dis, ne se rate pas. Mais tu wake, tu chelles, on compte la rapta. Et tu aptas, assumer ce gosse-là. Bon poche, tous les ans, tu décides de pas mettre la porte. Chaque fois que j'étais l'atma, c'était pour lendemain pouvoir esquiver le ratma. Sur l'acte des Pushka, mène une vie de couche d'as. Excuse pour les embuscades, les rodkas. Mais faut dire qu'à la hakpa, pour une baguette, ça criait Allah wakba. Voilà ce qui me traversait l'esprit avant de gratter cette esquisse. La terre tourne avec tout sang. Toi tu veux que la fille soit cool avec toi, mais toi t'es pas cool avec elle. C'est encore Dr Berry's, man. Toi tu veux que la fille soit cool avec toi, mais toi t'es pas cool avec elle. Quand tu veux clap, quand tu veux clap, quand tu veux clap, l'alliance, cool les mureaux, aïe. Mais toi t'es pas cool avec elle. Ça y est, ça roule en crossover, ça y est, ça pèse qu'elle a tes si. T'as le content pour ta footballeur grâce à la cour que tu cuisais. T'as fait de la baraque à palace, mis à ta rampe dans un taudis. Tu veux le bon Dieu sans concession, t'as les mains pleines d'hémoglobine. T'as laissé tomber ton équipe, donc autrement dit, t'as Kenny, trahi ton procès, t'es plus qu'habit de sentiment, t'as le cœur aussi noir qu'un gothique. Les boîtes de nuit, c'est comme les portes, à un moment c'est plus compatible. T'as fait du sale, la hagra, la crier sur tous les doigts. T'as fait du placard à Dakar, tout le monde dans les parodies, car t'as fait ton mal et son trocard, direction l'autoroute à 4. Avec la back off et la tchot, du coup t'as ton gars en bécard. Les vitamins, ça part en test, vivi, fonctionnaire, gassion. Déclencheur des mains, tu peux dire si mère à ton flashball. Toi tu veux que la vie te fasse du public, tes vœux sexuels. Venez vous repentir, mais bon, juste avant que la terre. Toi tu veux que la vie soit cool avec moi. Mais toi t'es pas cool avec elle. T'es chelou, t'es chelou. Toi tu veux que la fille soit cool avec what. Mais toi t'es pas cool. Dédicace à mon gars, Danny Saint-Pé. C'est un jeu. Toi tu veux clap, clap, clap, clap, clap. Toi tu veux clap, clap, clap, clap, clap. Toi tu veux que la fille soit cool avec what. Mais toi t'es pas cool avec elle. Tu veux les des bienfaits du tout puissant, même comme que des méfaits. Dur de gagner le marathon de la ville et là c'est défait. Chelou comme ces bâtards qui seraient juste de nos décès. Ou comme ce frère de sang qui te voit taper convulsé. Pourquoi mon succès te gratte la gorge, lui bugé. Ravaler ma haine, la ceinture serrée comme mon budget. Chelou comme ces gavas qui te vendent puis te volent. Mais rien d'étonnant si ces connasses font chuter en plein vol. Que sur mes débuts, si ce soir tu veux. Comment tu veux être cool que la côte est grandissante depuis ma mélo. Hein pourtant, avec la vie, mais car je suis trop quand t'es pas cool là, avec elle. Pourtant c'est un homme, oui, là, trop si attirant. Mais dis toujours un gros. T'es chelou comme ce coq qui ne défend plus sa place pour. Au champ du Glock, ben, plus personne, tout le monde. Toi tu veux que la fille soit cool avec what. Mais toi t'es pas cool avec elle. Chelou. Toi tu veux que la fille soit cool avec what. Mais toi t'es pas cool avec elle. C'est vendetta. C'est chelou. Oh, oh, oh. Chelou. Toi tu veux que la toi tu veux que la chronique du Wattie Boss. Toi tu veux que la fille soit cool avec what. Mais toi t'es pas cool avec elle. D-R-Y gros. Le Kayan, mon régisseur. Chronique du Wattie Boss. C'est chelou. Quel morceau. Le morceau s'appelle Cool, vous le retrouvez sur les chroniques du Wattie Boss Volume 2 qui sort lundi prochain, lundi 15 septembre. Voilà, rendez-vous tous à la Wattie Boutique. Et avec évidemment la présence de la Vendetta, Girochrome, Doomams. Ça aussi, ce sera un projet important pour les mois à venir, la Vendetta. C'est un gros projet, c'est l'un des plus gros projets du label. Et voilà, c'est des binômes. Ça va être un album qui est déjà très attendu dans la rue. Et on va essayer de le ramener plus loin que la rue. Nous, on a la chance voilà. De pouvoir écouter quelques morceaux. Régulièrement. Régulièrement, parce que c'est. Il est pas fini là, c'est en finition. Un chantier. Hein. Mais le chantier, il est déjà très très lourd. On a le squelette. Qu'est-ce que va être le bâtiment? Donc les fondations sont là. Exactement. Il reste quelques étages à ajouter. Voilà. Tu vois pas le sourire de Gilles. C'est du lourd. Moi je vois, mais il dit rien depuis hier. Ah, écoute, t'as vu, il est arrivé avec le plat déjà mijoté. Il y a toutes les épices. Il est sûr de lui. Tu vas arriver, tu vas dire, t'inquiète, j'ai fait un bête de plat, il manque du sel. Il y a pas de teufri. Frites. Mais il y a une petite idée de la sortie plutôt 2015. Ouais, c'est 2015. 2015. Début 2015. De toute façon, on peut les voir, ils sont souriants. Paire de lunettes, c'est les seuls pratiquement qui ont des lunettes. Ils sont sur deux, les morceaux, je les ai entendus, ils mettent des gifles. Oh, calme, t'inquiète. Bon, et ben on suivra ça. À l'occasion, un jour, Vendetta. Je t'inviterai au studio, Fred. Tu très bien. Moi, attends. Moi, je suis un peu perdu, hein, mais franchement, je tiens à dire que n'oublions pas quand même, tu vois, si on est là, c'est grâce à des gens comme eux. Nous, on vient d'arriver, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils ont déjà fait du chemin, ils savent c'est quoi les bails. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est là, on respecte. Franchement, ça fait plaisir, de ouf, mec. L'ambiance détente. Béris, ça, c'est le docteur. Respect en fond. Ceux qui le font pas, c'est qu'ils ont pas de respect, c'est ceux qui ont rien compris, ils sont perdus. Quand le docteur parle, on l'écoute, on est fou. Petite parenthèse aussi. Béris, franchement, c'est un soldat, il passe nous voir souvent au studio aussi. Merci, Et on va rappeler aussi deux, trois choses. C'est que la sortie de l'album le 15 septembre, il y a comme d'hab une petite tournée avec certains membres de l'équipe du Wattie Bay. Tout le Wattie Bay. Et le 15 septembre, c'est à la boutique, à la Wattie Boutique. La Wattie Boutique, 28 rue de la Ferronnerie. Non, c'est 29, ça a changé. 29, ça a changé. Ben voilà, hein, t'as pas prévenu qu'il y avait un changement de. Ah ouais, c'est vrai, il y a des travaux. Il y a des travaux. Donc c'est au 29 maintenant. Chabba. Si vous allez au 28, c'est en face. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est pas en la face, boutique. C'est à la Chicha. Ah bah. La Wattie Chicha. Ok, bah en attendant la boutique, c'est le 29 rue de la Ferronnerie. Ensuite, le 17, vous êtes à Caen, à la boutique officielle du stade Malherbe d'ailleurs. C'est ça. Le 19, à Montpellier, à l'Odysseum, c'est l'endroit de Montpellier, c'est l'équipe de foot. Voilà, c'est l'équipe de foot, c'est le magasin du club en fait. Le 20 septembre, à la Wattie Boutique de Marseille. Marseille, dédicace à mes gars sur Mehdi. Les Marseillais, on est ensemble. Ouais, 24 septembre, à Toulouse, au Météorite. Mehdi. Le 28, à Bordeaux, California Dream. Et le 27, à Nevers. Ou Never, comme nous le disait hier Sabou Aboutal qui nous disait ça. Never. Du côté de Fans de Marque, le 27 septembre à 16h. Avant de balancer un autre morceau qu'on va découvrir dans quelques minutes, je vous présente Toubab Shakur de Montpellier, tiens. Ouais. Un Montpellierin. Shakur. Ça va, Toubab Shakur? Toubab Shakur. Ça va bien? Ouais, c'est Toubab Shakur. Kick bien, parce que là, ça blaze. Le blaze est lourd. Le blaze est lourd. Le blaze est très lourd. Le blaze est gangsta. Ça va bien, Toubab? Est-ce que tu nous entends, mec? Pardon? Est-ce que tu nous entends? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt à rapper, Toubab Shakur? Toujours. En 1:30, t'es prêt à tout défoncer en 1:30? Allez, c'est parti. Si je voulais, j'aurais géré une grosse. Je déborde de libido, man, je suis corse. Si ce cri veut bien, c'est que la mise, ça déforme. Je vais être milliardaire, freestyle et de la michto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Instru plus kilo plus feuille égale mise à l'amende égale tarif dans les tampons égale la gifle en avance égale tu kiffes quand ça t'arrange. T'as pas partagé mon son, fois panique et ta daronne égale salade de 4 ballons. Genre acheter clash t'allonge. J'divise ton équipe pour sa kick. J'multiplie vos défaites à honte égale c'est clean quand c'est crise. J'nettoie la scène du crime. J'laisse pas trash, j'suis méticuleux. J'vérifie que tu respires plus et j'cache ton corps dans le vestibule. Dans le rap rien que ça parle. T'as plus que t'as les rangs jaloux. J'sais que devant ils diront voix et loup et que leur go elle cul la balle ou des rimes qui arrivent en balle. Plus des grosses faces coupe gorge. C'est vite pas le kick, j'envoie avec un flow de 12 tonnes. Made in made in Houston, overdose comme Whitney. Cette meuf est aussi bonne que quand elle phrase la tête comme Britney. J'passe du corps câlin, puis j'dis de la merde égale ego trip, égale tes aides, égale j'vais trop vite. Pas de logique, mais j'suis méthodique en tête, j'suis pas solo. On est plusieurs dans ma tête. J'fais des feats avec moi-même, ça se multiplie sous fumette. Multiclonage, multiplie par pi. Divise le tout par le nombre de lines égale là tu rigoles pas. Car ma tuerie sonne grave, que j'te sur une grosse vague. Grise dans ta fête, plus des minettes égale y'a plus tis, on se casse. On subtilise, on se tasse. Syndrome du bonobo, plus elles sont toutes trop nebo. Égale pour survivre, on taille. Wicked game comme The Weeknd, mais y'a pas de cunis, grosse tasse. Whisky frais dans la weed sèche, des belles à nuit, dispons le bar. Des mille à cunis, on se tape. J'te donne du sur s'il faut que j'boive. T'as la poussie humide, cousine, mais t'as le cuit d'une gomba. Ok. Tu dis tu le montes pas. Qui tu vis se trompe pas. Tu fais crugir, tu ne mords pas. Tu ah. C'est pas grave. Toubab Shakur va bien à l'instant. Merci à toi, Toubab Shakur. Ça va bien, normal. Eh bah ouais, normal. On peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer 2-3 dédicaces, on t'écoute. Ouais, bien sûr. Alors déjà une grosse dédicace bah à moi-même. Hein, désolé, hein, mais dédicace à moi-même. Ouais, jamais mieux servi. Ça pas mal. Ça, le plat c'est K R Y S espace T O U B A B espace S H A K U R. Si vous voulez voir sur YouTube, vous tapez juste 2 B A B. Et sinon, casse d'aide, Améga du 75, Améga du 14, Système D, Améga du 13, du 06, à mon gars STIF qui fait les bails avec moi, Windows. Et voilà, et grosse casse d'aide à tous mes gars de tout part, et casse d'aide au roi aussi, parce qu'on est là depuis la terre du milieu. C'est gentil. Ous de Troyes. Et bah merci à toi, tout, Bab Shakur. Ous de Troyes. Casse d'aide à toi, Fred, on va se revoir encore, t'inquiète. Avec grand plaisir. Ouais. Toujours. À bientôt. Et si vous voulez un nouveau bateau dans le roi, n'hésitez pas. Pas de problème. Le boss. Le boss. C'est pas tombé dans la rue. Et en plus, il est de Montpellier. Hein. Ah, en plus. Montpellier, t'as une attache particulière à Montpellier. Ah ouais. Ok. Merci Dawala pour ce petit témoignage. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans le roi. C'est vrai qu'il y a du monde hein, en même le temps. Le bateau, il faut en jeter. Est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? Parce attends, attends, attends, attends. 20h40 et que. Attends, la surprise. Ah. La surprise attends, du roi attends. Pour les 15. Ah. Attends, attends. Voilà, c'était pour vous dire, voilà, on a accompagné. Des gars qu'on fait du bruit cet été, tu vois, Ous de Troya. Tout le monde connaît. Ceux qui chantaient Bella, ceux qui connaissent. Vous connaissez ou pas Bella. Bella. Eh, c'est quoi? Faites une petite place, t'as faire une petite danse. Faites-leur une place. Faites une petite place, t'as faire une petite danse. Explique-nous pour les gens qui écoutent la radio. Écoutez, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Tu peux pas dire tu connais pas. Même si tu connais pas, tu vas sur internet, tu vas sur Skyrock, tu vas voir. Voilà, ce soir ils seront au Garden ce soir. Même des RY qui connaît 9-4. Ah ouais. Poussez-vous un peu, laissez-leur un peu de place s'il vous plaît. Laissez-leur un peu de place. Poussez-vous. Ça y est, c'est devenu. Si vous avez les images, sinon on va vous commenter ce qui se passe dans le studio. C'est quoi? C'est une démo? C'est un concert, c'est une danse. C'est une danse, c'est la nouvelle danse. J'ai vu la danse. Eh, mais faut remixer le morceau à la fin, on dit what's up. Eh, HQ, balance tout ça s'il te plaît. DJ numéro 1, Shabani. Nós somos caro, mas não tem ser. Aqui a cena é super. kulentar a minha dica da buscuiar ale que sumo estou a tomar ale tô sumo fazer tomar sopa na micro mal comecei a dar o toque mas não foi pra banho parou chegou todo micro não bela bela bela bela chá nem gosto no canto nem pego na xuxa assim começaram as bombadas logo apareço pra dar uma disse que eu bela caio na jogada a nossa tropa é visão black nacionalidade pop M esse é a staff dentro da stop close the windows não vai Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous avez vu ça, les gars? Alors, pour ceux qui nous écoutent uniquement à la radio, c'est quelque chose. Pour ceux qui nous écoutent uniquement à la radio, la danse est folle, la danse est incroyable. Même Black M y est allé. Moi, j'étais obligé. Ah ouais, j'étais sorti. On a vu ça sur internet depuis l'été. Voilà, ils ont fait, voilà, ils ont des gros tubes. Peur, mais c'est de la danse. Voilà, de toute façon, vous pouvez les suivre. Voilà, c'est des Angolais. Rappelle le nom, où est-ce qu'on peut les suivre, Dawa? Tous les Troya. De toute façon, ils vont sur internet, ils tapent Bella, tout le monde connaît. Bella et ce soir, ils sont au Garden. Quand bravo. Ils sont au Garden ce soir. Ce soir, ils sont au Garden. Le son est lourd. Bravo c'est à vous en tout lourd. Cas, messieurs. Bravo. Et on suivra ça de très très près. Voilà. Avant de se quitter, on finit avec du live maintenant. On avance pas au boulevard de la Hesse. On va pas avoir le temps. Ok, vas-y. Allez, c'est parti, session. Qu'est-ce qu'il y a, Beriz? Vous pouvez écouter ce son, regarder la danse et rester statique. Ah comme non, ça. Non, mais moi, t'as pas vu que T'étais à deux doigts de péter un câble. Oui, mais pas tout de suite. Que... Fred, après, tu vas danser après. Mais je ferai après. Toute la compagnie, là. Je ferai après, mais ils sont quand même. Ils sont techniques, les mecs. Allez, viens danser. Ils sont techniques, les mecs. Faut les suivre. Bon, allez, c'est parti pour le live HQ. C'est parti maintenant sur Skyrock. Avant de retrouver justement la radio libre de Default dans un instant. Fodé, Kanté, Salman Lerm, The Camp. Yeah. Ah bon, 19ème. Yes, One X. Je fais partie des millions. Yeah. Dans les bacs, Fodé. Docteur Beriz. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru de voir qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Jacques Cartier. Certains sont touchés par la grâce, d'autres par la poisse. On dit choisis ta voix, alors passe à moi, y'a qu'une impasse. J'ai vu que je touchais pas, même aucun dépasse. J'ai pas de face à face. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Dur. Mais c'est les nôtres. Dur. Qui paient la note. Boeing, mon rêve est de la détourner. Au pied du mur, comment la voir si j'ai le dos tourné? J'ai vu le bonheur passer comme une étoile filante. Ça va fêter le réveillon sur un capot, mais sans guirlande. Je veux miser sur l'écriture à défaut de finir chef de gang. Les seules étoiles qu'on va prier se trouvent dans les stades ou sur les champs. Et t'es au top d'ailleurs, je me demande à quand mon temps. J'ai mis du temps, mais pour apprendre à terre sans fléchir sur les genoux. Sans attendre, sans réfléchir. Avec le nez au plein de poudre. On la convoit au clair de nous, tout comme dans les débuts, pas pour. Elle ne m'a jamais épousé. Yeah. Certains l'appellent la chance, et moi, elle n'est jamais de mon côté. Jamais. J'ai cru de voir qu'elle me faisait signe. Sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Docteur Beriz, chaîne de cœur, je rêve de la détourner. Chronique de Wattie Boss, volume 2. À quelques kilomètres. Yeah. Le navire a chaviré et ma bonne étoile a prévu la même. Accompagnant le désespoir me rappelle qu'on ne sait pas nager. Jamais où mon corps a pu échouer. Nous sommes des milliers. Et combien ils posent tous les jours. Nous sommes des millions. Et si personne bouge. la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. Et c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Une douleur sans médicament. Je vous parle d'une vie du tiers-monde. La valeur d'une âme au diamant. Méprisé qui vient du tiers-monde. J'ai le reflet de ce que j'ai vis, j'avance avec un regard de glace. Le savoir est une arme, on peut blesser avec des mots. Si je te racontais ma vie, je crois bien que tu pleurais à ma place. J'ai toujours retenu mes larmes parce que j'aime pas gaspiller l'eau. Restez lucide, c'est déjà une réussite. Si je dois mourir avec une âme, pense au braquage. Pas aussi suite, jamais. Elle m'a abandonné depuis ce jour-là, ça va pas. Certains l'appellent la chance, moi j'appelle ça la baraka. Quand j'étais petit, je croyais que j'étais son préféré. J'y échappais de justesse quand les autres faisaient déférer. Elle me rappelle en masqué, donc souvent je ne décroche pas. Je croyais qu'elle me faisait du pied, en fait c'était un croche pas. Elle ne m'a jamais épousé. Chance, moi, elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru de voir qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. En live, Papis, mon gars, Dr Beriz, BKO. Fais pas semblant, tu l'as senti. Madame la chance. Détroit, Gibraltar, big up à tous mes gars qui prennent leur courant, qui risquent leur vie, bro. Yeah, easy. Ok, ok. Là, on passe aux choses sérieuses, là. Là, c'est la vendetta, là, gros, là. Là, ça rigole plus, gros. Yann Karamoko, on est ensemble. Écoute. Omega au cap là, on est là. Tu veux savoir c'est quoi les dièses, mais est-ce que t'es dedans? Tu voudrais croquer dans la peau, mais est-ce que t'as des dents? T'as voulu monter sur le ring, mais t'avais pas les gants. De l'élégance, la vendetta arrive, faut faire couler le sang. Tu veux savoir c'est quoi les dièses, mais est-ce que t'es dedans? Tu voudrais croquer dans la peau, mais est-ce que t'as des dents? T'as voulu monter sur le ring. Que de l'élégance, la vendetta arrive, faut faire couler le sang. Mais est-ce que t'es dedans? Tu voudrais croquer dans la pomme, mais est-ce que t'as les dents? T'as voulu monter sur le ring, mais t'avais pas les gants. Que de l'élégance, la vendetta arrive, faut faire couler le sang. On fait la course entre vieux rats sans même savoir qui gagnera. Et au final, si t'es vainqueur, tu resteras qu'à foutura. Je suis à la chasse en plein Paname, sauf qu'ici les lapins riposent. J'ai vu que les mots avaient plus d'impact que les balles de mes rivaux. Du fond de mon puits, j'ai mis du temps à voir ce qui se passait sur la terre. J'ai vu que mes doutes étaient des traîtres. Ils avaient déjà eu mon père. Prends les problèmes à bras le corps avant qu'il m'arrive à la gorge. Balance mon corps au fond de la flotte, j'en sortirai avec ta force. De quoi me nourrir tout l'hiver, je suis dans le monde depuis l'hiver. Là où les petits sont solitaires, mon père en pente. Rien à foutre la longueur de ton corps à terre, tant que le buffon. Rien à foutre tant que la queue qu'on prolifère. N'oublie jamais que la plus belle des pères trouve dans les coquillages. N'oublie jamais que la plus grosse des puces trouve dans les copinages. Que les virages se présenteront à toi. Droit comme un i, le droit comme un ou. Je le vois pas, droguer ton fils. Est-ce que mes boucles feront toute l'année sans être indécis? Pour tout dire, j'ai même plus où te la mettre, sachant que j'ai deux cibles. Ferme-la pour voir le bien que ça m'apporte. Tous tes rappels ne valent pas mieux que l'enterrement d'approche. La traversée du Nil est longue, posée sur un crocodile. Parfois le chef de compte se trouve être le maire de ta propre ville. Dites à la loi que si elle passe, on la violera. Si t'es roi de la jungle, tu seras le premier lion qui miaulera. La petite souris a laissé place un vieux rat. Sous mon coussin, y'a plus grand chose. Elle se fait rare comme Vera. Mon premier coup de foot, je l'ai eu avec un taser. Suis-même qui a immobilisé ta mère et ta soeur. Tu me suis, mec, tu me suis, mec. Je me dois d'abattre le chasseur. Six fois lucide justice, avec sa peau, je me fais un blazer. Tu peux juger, me dénigrer ou même me fusiller. Mais je compte pas me laver dans l'eau dans laquelle tu veux me cuisiner. La dernière lettre de l'alphabet au volant du nouvel opus. J'attends mon tour comme un ticket. Viens faire un tour dans le décombre. Admirer le bloc sur une civière. Les gros poissons nagent en eau douce quand l'ours sort de sa tanière. Qu'on fasse présent d'un pacemaker. Je suis brousillé jusqu'aux artères parce que j'ai vu qu'avoir du cœur recouvrait le tombeau d'un cimetière. Viens ténébreux sous mon cabron. Je vois le bonheur un temps partiel. Tant d'égayer les murs du Tchekar avec un arc-en-ciel. Garder la pêche et tout le noyau pour ce qui est des fleurs et compliments. J'essaie d'oublier mon passé. Mais me secoule en abondance. C'est la balade des gens heureux pour les narcotrafiquants. Sur un terrain dévasté par les rats de mon département. Scarification sur la paume, pilon de noceux sur la paume. Prévoit des tranquillisants, la terre en cas avec un faux. Ça pousse des tuyaux ton micro, la souricière et le déto. Probablement l'avant-goût, subir devant le trône. 2h du mat en bas du bloc, je suis poser comme un pauvre connard sous votre cache en pas faire connerie ma bande. Fais le voisinage. À faire le pote, on passe des heures à boire et guetter le paysage. Rien qui bouge à part que maintenant on a des boss en bassage. Défoncer ça parle d'investir, mettre à gaucher, faire les choses bien, les petits transacts à la sauvette chez nous. C'est comme ça qu'on se maintient. Ça parle de tout, ça parle de conduire sans tremplin. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, j'en suis conscient, j'ai fait mon taf. Si c'est niveau musical, m'en voulez pas. J'ai fait mon taf. L'arachnidatiste d'un voile. Cracher le venin dans les temps pour anticiper la guerre froide. Y'a plus grand chose qui tient un cœur. Si ce n'est fait le pour faire rat, ouvrez pour oublier que je tourne en bourre. Dans ce goulag, écrit à froid sans état d'âme, ma bupe étant comme un logo de quoi qui est chaud, la capitale. Tu veux savoir c'est quoi les dièses, mais est-ce que t'es dedans? Tu voudrais croquer dans la pomme, mais est-ce que t'as les dents? T'as voulu monter sur les rings, mais t'avais pas les gants. Que t'es les gants, t'avant des tards, il faut faire couler le sang. Avec la Vendetta, Gérochrome, Zoumam, c'est trop la Vendetta. Et la Vendetta, ce sera en 2015 dans les bacs sur le label Wattib. Et merci à vous tous. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. En préco, Skyrock t'offre le concert des deux méga stars US, Jay-Z, Stade de France. Célia de Marseille, ça va bien, Célia? Oui, ça va. Prête à faire tourner la roulette, Célia? Allez, on y va, on se quitte avant de trouver la radio libre de Difool. Et je regarde les dates à Marseille, le Dôme à Marseille, 21 novembre pour Black M en concert. Et aussi à la Wattib Boutique la semaine prochaine. Non, le 20 septembre à la Wattib Boutique. Ok. Là, ce sera la semaine prochaine aussi. Là. Dès que tu veux, te dis stop, Célia, c'est parti. Ça quitte. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Et ben voilà, Jay-Z, Beyoncé t'attendent, Stade de France, tu y seras. Avec la personne de ton choix, Célia. Oh pitié. Eh bah profite bien du concert, c'est ce week-end. Merci, merci beaucoup. Et les places sont à choper évidemment sur Skyrock. Bisous Célia, merci à vous tous. L'équipe du Wattib. Il y a mon gars, parce qu'en fait il y a mes gars de la sauce de Malfrat, Jacques Cartier. Mm-hmm. Ils font un petit tournoi le 27 aussi vers chez nous. 27 septembre. Et mon gars Bang Bang ici présent, la gâchette bré va vous en parler un peu mieux que moi parce que je n'ai pas les infos sous les yeux. La 50 pointe. Ouais, bah donc voilà, c'est un petit tournoi qui va se passer à Choisy-le-Roi dans le 94. En fait, la sauce de Malfrat, ils sortent une mixtape le 29. Ouais. Donc le 27, ils font un petit tournoi avec 16 équipes. Il y aura des gens de partout, un peu d'Île-de-France, tout ça. Et puis voilà quoi. Et on peut s'inscrire, il y a une adresse, on peut avoir des infos. Ouais, il faut aller sur le Facebook à sauce de Malfrat. Et voilà, après il y a une photo et tout est dedans quoi. Au calme. Eh ben merci à vous, merci en tout cas. Fred, merci la sauce de Malfrat qu'on salue. Merci au Wattib Boss. À Black M qui était là, à la Vendetta avec Dr. Berriz, l'instant qui était là aussi ce soir. Elio Petrodollar était dans le studio. Ça peut pas passer inaperçu ce que la Vendetta vient de faire. Là, ils ont fait du sale, franchement. C'est du vrai rap, c'est un vrai kickage. Propre, t'as perdu l'habitude, je crois. Et on se retrouvera demain. Et dédicace au groupe OSD Troya. Merci à vous. Dédicace ce soir au Garden. Ah ouais, il danse bien. Alfred Demus. Merci. Ouais, Fredo. Ouais, Difool, c'est parti. C'est parti. Merci à la Radio Libre, Black M et à tous les autres. Yes. Le Wattib Boss qui était là aussi. Le Wattib Boss qui est là aussi. Et demain soir, ça recommence juste avant 20h. C'est pour Planète. Yes. Hey, Difool, faut aller danser. On veut te voir danser, Ben. Oui, cette danse magnifique dans le studio. Moi, j'ai vu. Et les images seront dispo là dans quelques instants sur skyrock.fm. Ah, bah, c'est à pas louper alors. Oui. Comme ça, vous aurez la tendance danse. La démo et la tendance danse de la rentrée 2014. Exact. C'est ça, il faut avoir du muscle. Très bien. Et puis on compte sur toi, bien sûr, Fredo. Bah, moi, je l'ai fait. Je le dis à tout le Wattib. Demain, on compte sur Fredo. Demain, il y a contrôle. Il y a la démonstration demain soir. Okay. Bon, merci à vous. Rendez-vous demain. Là, c'est parti pour la Radio Libre. Dans un instant, avec le nouveau Soprano qu'on va se balancer là. Soprano sur Skyrock. Vous tous en direct dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil et on se retrouve tout de suite sur Skyrock. À demain, Fredo. À toutes. Ciao. Ciao. Il y a déjà un problème avec une Ça y est, Romano a merdé. Fais-les avec la lèvre. Non, mais parce qu'en fait, l'écran avait déjà été zappé. Ah, bah voilà. Mais je le remets. Mais tu fais à l'ancienne, à la bouche, c'est toi qui fais toute la promo. Eh ouais. Non, je vais, ça y est.